vie de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Fantômas, comme nul ne l'ignore, a eu deux pères, Pierre Souvestre et Marcel Alain. Lui-même, Fantômas, est né littérairement en 1910, puis cinématographiquement en 1913. 32 volumes chez Artem Fayard et des milliers de mètres de films tournés par Louis Feuillade. Le premier père, Pierre Souvestre, est mort très jeune, en 1914, février 1914. Le deuxième père, Marcel Alain, beaucoup plus tard, en 1969. Quant à Fantômas, n'est-ce pas, il est vraisemblablement immortel. En tout cas, en 1956, Marcel Alain accordait un long entretien à Louis Mollion pour l'émission « Le bureau des rêves perdus ». Il était question de rêves, bien sûr, mais aussi, et évidemment, de celui qui étend son ombre immense sur Paris, Fantômas. Le bureau des rêves perdus, une émission de Louis Mollion, avec les rêves perdus de Marcel Alain. Réalisation Albert Riera. Ce soir, vous faire pénétrer dans l'univers onirique d'un magicien du rêve. Dirigeons-nous vers Andrézy. Là, nous retrouverons Marcel Alain, le père de Fantômas. Il est, je pense, inutile de vouloir vous présenter cet auteur qui a écrit près de 600 volumes. Tenez, assis devant son dictaphone, Marcel Alain imagine en ce moment de nouvelles aventures pour son héros. Fantômas a volé la bombache. Mais je vous laisse surprendre ses rêves perdus. Ce qu'il y a de plus merveilleux. Il n'y a plus de limite. On peut aller aussi loin que l'on veut dans l'imagination. On peut même s'offrir des plaisirs que l'on ne goûtera jamais. Le rêve éveillé est difficile. C'est une protestation contre la vie. On cherche généralement exactement le contraire de ce qui arrive ou de ce qui arrivera. Ça n'est d'ailleurs pas non plus un passe-temps désagréable, car on se figure à la fin que c'est arrivé. Et quelquefois, on influence la destinée. Mes rêves d'enfant, c'est assez bizarre. Il en est un que j'ai fait et que je fais encore. Je le livre à tous ceux qui aiment les questions un peu bizarres. Je me figure, je me rappelle fort bien avoir rêvé que j'étais tout simplement un goéland. Or, ce goéland avait une occupation spéciale et pas très merveilleuse. Tout simplement, il cherchait sa nourriture à l'embouchure de la petite rivière qui coule sur la plage de Nice. Ce n'était pas très propre. Il y avait un monsieur qui venait me tirer un coup de fusil. J'ai eu très nettement le sentiment de la menace du canon braqué sur moi. Et je prenais le vent avec le sentiment des ailes, de l'extrémité des ailes qui cherchent la brise et qui s'appuient. Or, chose curieuse, ce rêve qui me ferait croire que j'étais autrefois incarné dans un goéland, je l'ai encore de temps en temps, spécialement quand j'ai le cafard, ce qui arrive aussi. Je crois que j'ai été avant tout un sale gosse. C'est-à-dire que je rêvais toujours des choses impossibles. Je me voyais partant pour de très grands voyages, je me voyais affrontant des périls inouïs, et spécialement le sauvetage des bateaux naufragés. Et je me voyais aussi, c'est bien amusant, atteignant à la célébrité. Cela me semblait superbe de devenir un homme célèbre. On apprend à mettre de l'eau dans son vin et à se contenter de son sort. J'ai des regrets, des remords, tout ce que vous voudrez. Je crois que si c'était à commencer, j'en commencerais. Mais j'ai évidemment bien ennuyé mes pauvres parents. Je me revois tout enfant à Étretat, adorant la mer, naturellement ne mettant jamais les pieds au casino, et me promenant dans des costumes invraisemblables avec les petits mousses. Le seul ennui était que je n'étais pas le plus fort quand il y avait des batailles. Un jour, j'ai eu l'idée fâcheuse de sauter dans une barque de pêche et, ma foi, de m'amuser à manœuvrer. La barque, naturellement, était à l'ancre. Alors, j'ai hissé les voiles pour voir si j'étais assez fort. Et puis, une fois qu'elles ont été établies, le vent m'a pris, l'ancre a dérapé. Et ma foi, tout fier de mon personnage, j'ai fichu le camp droit au large. Il était à ce moment-là, mettons, 11h, midi, l'heure du bain. J'ai continué tout droit, trouvant que c'était très amusant. Après ça, j'ai été tout à fait émerveillé parce que je commençais à percevoir le Havre. Et puis, j'ai continué toujours tout droit. Et puis, le vent a forci. Alors, je me suis dit, il serait temps de revenir. Seulement, malheureusement, je n'étais pas assez fort pour virer de bord. Impossible d'embraquer l'écoute. Et puis le bateau prenait une gîte qui commençait à me faire un peu peur. Alors j'ai rétabli. Le soir est tombé. La nuit est venue. Dame, à 13 ans, tout seul, sur une barque de pêche, quand on n'a ni déjeuné ni dîné, on n'a pas tout à fait le sourire. Mais que faire, puisque je ne pouvais pas revenir, il fallait bien aller tout droit. J'ai continué. C'est long, une nuit. Il n'y avait pas gros temps, mais il y avait assez de houle pour impressionner un enfant. Il y avait pas mal d'embruns. Et je me disais, où est-ce que je m'en vais? Heureusement, j'étais persuadé qu'en face de moi, il y avait l'Angleterre. Malheureusement, je me trompais. Ce n'était pas l'Angleterre qu'il y avait, car j'avais légèrement dérivé, j'avais pris un mauvais cap. Et je me suis trouvé bel et bien au petit matin, à la hauteur du Lizard. Ça devenait tout à fait malsain, car si j'avais continué, c'était le plein Atlantique. Je n'ai pas besoin de dire que pendant ce temps-là, à Étretat, mes pauvres parents s'arrachaient les cheveux. Mon père faisait des marches sur des marches pour me faire signaler par tous les sémaphores, envoyer des dépêches en Angleterre, etc., etc. Impossible de me retrouver. Moi, pendant ce temps, j'allais doubler la pointe et je commençais à ne pas rire du tout. Lorsque j'ai aperçu un torpilleur anglais qui arrivait à grande allure sur moi. Il faisait des signaux. Je n'ai pas répondu à ces signaux pour deux raisons. D'abord, c'est que je n'osais pas lâcher ma barre. Ensuite, que je n'avais pas de pavillon de signaux. Et la troisième raison qui me vient à l'esprit, c'est que je ne connaissais pas les signaux du tout à ce moment-là. Le commandant du torpilleur a dû trouver, je le suppose, que je manœuvrais assez mal. Alors, il est venu en travers, puis il a mis une baleinière à l'eau, et l'on est venu me cueillir. Et vraiment, ici, il y a une note qui peint bien ce que sont les Anglais. Ma mère était d'origine américaine. Je parlais, sinon couramment, du moins très bien l'anglais. J'ai donc immédiatement voulu expliquer mon cas. On ne m'a pas répondu un mot. On m'a empoigné par le col de ma petite veste. On m'a hissé sur le pont et l'on m'a descendu à fond de cale. Après quoi, j'ai attendu 48 heures. Lorsque j'ai été invité à en sortir, une réception frappante m'accueillait, car c'était mon père qui, enfin prévenu, venait me rechercher avec tout un équipage à bord d'une barque d'Étretat. Je n'ai pas reçu de félicitations. J'étais pourtant très fier de ma navigation et je soutenais Mordicus que je l'avais fait exprès. Ce n'était pas tout à fait exact. C'est mon premier souvenir de mer. Mon rêve était surtout de voyager, d'aller très loin. J'ai un caractère difficile à préciser, mais je suis instable. Il me semble toujours que de l'autre côté de la colline, il y a des choses merveilleuses. Et alors, que ce soit par la route, que ce soit par la mer, que ce soit par l'air, puisque j'ai essayé de l'aviation, j'ai toujours envie d'aller plus loin. La mer m'attire, la mer est ma grande amie. C'est une de mes plus profondes passions, à tel point qu'encore maintenant, Quand j'ai bien travaillé, vers les 8h, 9h, 10h du soir, quand tout à coup ce cafard dont je parlais tout à l'heure me prend, c'est plus fort que moi. Je saute à mon garage, je prends ma voiture et je fiche le camp. Cela me vaut d'arriver au Havre sur l'acheté ou au poste sémaphorique vers les 2h du matin. Si une abeille sort, j'ai facilement mon sac à bord, je saute dessus. Si un bateau prend la mer, je le prends. Je reviens le plus tôt possible, je reprends ma voiture et je rentre. En voilà pour 5 ou 6 jours tranquilles. La mère est une amoureuse dont je ne peux pas me séparer. Dans les lettres et le gentil accueil que le public a bien voulu me réserver par la suite dépendent absolument d'une série d'erreurs. L'erreur est ma marraine, c'est l'erreur qui me protège. Lorsque j'ai eu 17-18 ans, j'ai commencé à faire mon droit ayant passé mon baccalauréat très jeune, puis je suis devenu second clerc d'avoué, et un beau jour, mon père, qui a été entre parenthèses mon meilleur camarade, mon père m'a mis en face d'un dilemme. Ou je devais continuer la carrière d'avoué, ou au contraire, je devais me destiner au barreau, et dans ce cas-là, il fallait suivre une autre orientation. Ma réponse a été très simple. On y soit qui mal y pense, je n'étais plus tout à fait libre sur le point sentimental. Je voulais surtout gagner de l'argent. Et j'ai répondu, parce que c'était aussi une tocade que j'avais depuis longtemps, « Mon vieux papa, je veux faire des lettres. » Et je lui ai dit, « J'ai une nouvelle qui va passer au petit Parisien. » En réalité, j'avais écrit une nouvelle, mais je ne l'avais pas du tout à faire au petit Parisien. J'ai pris mon courage à deux mains, je me suis rendu à la rédaction, j'ai été reçu par un vieux monsieur que j'ai su après être Lafarge et qui est devenu bien longtemps après un excellent ami pour moi. C'était aux environs de 1901 ou 2, quelque chose comme ça. Un ou deux, oui, évidemment, 1901, 1902. Et j'ai remis à Lafarge cette nouvelle. Après quoi, ma grande stupéfaction, 8 jours plus tard, je voyais cette nouvelle imprimée bel et bien dans le journal Nos Loisirs. Immédiatement, les ressources financières étaient modestes, j'ai couru à la caisse en me demandant ce qu'on allait me payer. Or, le caissier m'a répondu, « Mais c'est pas pour Marcel Alain, ça, c'est pas pour vous, c'est pour Pierre Alain. » Ma nouvelle avait passé parce qu'il y avait eu confusion entre moi et un chansonnier, Pierre Alain, qui, à l'époque, écrivait de temps en temps des nouvelles et les donnait à Nos Loisirs. On juge de ma déception. On m'a amené de nouveau devant Lafarge, qui s'est épouvanté en se disant quelle est l'atrocité que j'ai publiée. Il m'a lu, il m'a dit, après tout, c'est pas si mal que ça, vous m'en donnerez une de temps en temps. Ça n'était pas très encourageant, mais tout de même, j'étais très fier de moi, j'avais une nouvelle reçue. Je l'ai montrée à mon père, qui m'a dit avec un air excessivement sévère, mon petit, si tu veux faire de la littérature, il faut choisir. On fait ce que l'on veut quand on gagne sa vie. J'ai dit, mais papa, je la gagne. Et immédiatement, j'ai quitté la maison. J'ai quitté la maison vraiment armée pour la lutte. J'avais 17 francs dans ma poche et 4 faux cols. Réellement, c'est mon point de départ. Une erreur qui avait fait prendre une nouvelle de moi alors qu'on la croyait d'un autre, et une erreur aussi sur les nécessités vitales. Il s'est trouvé qu'un jour, allant au petit Parisien, j'ai demandé à faire un grand reportage. Il était absolument impossible d'entrer à ce moment-là dans les services de reportage du petit Parisien quand on était un débutant. Le monsieur que j'ai vu, le rédacteur en chef, je ne me rappelle même plus son nom, m'a regardé en riant et m'a dit, c'est très simple, nous voulons un reportage intéressant sur Casque d'Or. C'était exactement comme s'il m'avait demandé de repeindre en une nuit la Tour Eiffel. Une chose totalement impossible. Les meilleurs reporters s'étaient cassés le nez. Casque d'Or était au secret officiel, personne ne l'approchait, et en plus de ça, elle ne voulait pas parler. je crois que j'aurais dû comprendre que gentiment, on me priait d'aller faire un tour au bois de Boulogne. Mais pas du tout, j'ai pris la chose au sérieux. Et comme j'étais avocat, j'ai été me mettre en robe. Je me suis procuré, par des moyens illicites, je le reconnais, un permis de communiquer. Et je suis arrivé, fier comme tout, à la santé, pour voir Casque d'Or. Le gardien-chef, étonné qu'on ait levé le secret, s'est pourtant incliné devant le papier officiel et j'ai été conduit devant Casque d'Or, qui, immédiatement, voyant un jeune homme, s'est dit « Tiens, je croyais pas qu'il y avait des poulets si jeunes. » J'ai très bien compris son sentiment. Que faire pour la décider à parler ? Eh bien, j'étais en face d'une femme et d'une femme qui, après tout, n'était pas mal, était gentille. Je lui dis « Mon petit, écoute, je suis dans un ennui terrible. » Mes parents m'ont mis à la porte. Je n'ai plus le sou. Tu peux me faire gagner quelques pièces. Pense à ma petite amie, elle est comme toi, elle aimerait bien se payer du rouge à lèvres. Enfin bref, j'ai joué l'attendrissement. Et ma foi, Casque d'Or a trouvé que c'était si drôle qu'elle s'est mise brusquement à me dire « Eh ben toi, tu me bottes, attends, je vais t'en raconter, ils vont t'en baver dans ton journal. » C'était une grande femme, très forte en poitrine, très blonde, ayant une voix très éraillée, et qui, à chaque confidence, me disait « Tu n'as pas une sèche ?» Parce que, naturellement, elle n'avait pas le droit de fumer. Je lui passais autant de cigarettes qu'elle pouvait jusqu'au moment où je n'en ai plus eu. Et alors, comme elle était gentille, elle m'a dit « Attends, c'est moi maintenant qui vais t'en passer. » Et elle en avait caché sous sa jupe. J'ai eu l'occasion d'admirer de très jolies jambes, je le dis sans regret. Sur quoi elle m'a dit ce qu'elle voulait me dire, bien entendu, et qui n'était pas trop grave, mais qui enfin était amusant. Notamment comment elle était devenue la maîtresse de certains bandits, comment elle savait que ces bandits avaient pris part à telles et telles affaires, comment elle était sûre que l'argent n'avait pas été dilapidé, enfin des renseignements qui étaient vraiment drôles. J'ai quitté Casque d'Or, sinon en l'embrassant, du moins en lui baisant la main, je crois que c'était la première fois que ça lui arrivait, et moi-même je n'étais pas encore très habitué à ces façons mondaines. Enfin, nous étions très contents l'un de l'autre. Je me suis réfugié dans un café. J'ai fait un papier que je trouvais merveilleux et je l'ai porté au rédacteur en chef, lequel m'a regardé comme s'il avait regardé la 11e merveille du monde, a lu le papier sans rien dire, puis tout d'un coup m'a fixé et m'a dit « Vous avez une belle imagination, jeune homme. Eh bien, va vous le payer, votre papier, mais on n'en passera pas une ligne. N'ayez pas à faire un imbécile, n'ayez pas vu Casque d'Or, personne ne peut l'avoir. » Et je n'ai jamais pu faire croire à ce brave rédacteur en chef ce qui était pourtant la vérité, c'est que mon reportage était réel. J'ai touché bel et bien 500 francs, ce qui était une grosse somme en francs 1901 ou 1902, et mon papier n'est jamais paru dans le Petit Parisien. Plus tard, étant sorti un peu plus au jour de la littérature, j'ai eu l'occasion de revoir ce rédacteur, je lui ai certifié que je ne l'avais pas menti, et il m'a toujours répondu par une formule laconique, « Oui, ça va, à d'autres ». À continuer. Le fait que j'étais entré au Petit Parisien, car à la suite de ce reportage réel, réussi et qui n'avait pas passé, le Petit Parisien m'a confié une dizaine de reportages faciles que j'ai ratés avec une régularité désarmante. Il me manquait le métier. À la suite de ça, je traînais un peu dans les couloirs et un beau jour, je me suis trouvé assis à côté d'un monsieur beaucoup plus âgé que moi, j'en avais à ce moment-là 20 ou 22, et lui devait en avoir 28 ou 29, il me faisait l'effet d'un vieillard, c'était Pierre Souvestre. Nous nous sommes mis à causer, nous avons échangé des paroles de sympathie, et chose curieuse, la femme de Pierre Souvestre était l'amie intime d'une jeune femme que je connaissais fort bien, et qui très gentiment a su que j'avais rencontré Pierre, et Pierre, cherchant un secrétaire, m'a offert d'entrer chez lui. Mais là encore, il y a eu une très jolie erreur. Pierre Souvestre était un pur littérateur. C'était un garçon qui écrivait des choses délicieuses, qui était chargé de la rubrique de l'auto, et qui allait bientôt passer à comédien. Or, Pierre Souvestre avait la manie de la décoration. Et pour avoir la décoration, pour avoir le ruban rouge, il avait créé un journal technique automobile qui s'appelait Le Poids Lourd. Il avait envie de trouver un secrétaire qui serait capable de faire le journal Le Poids Lourd. Quand je lui ai été présenté, il m'a dit, mon vieux, écoutez, on va voir ce que vous êtes capable de faire. Faites-moi un article sur le Darak Serpollet. Je n'avais jamais entendu parler de Darak Serpollet. La seule chose que je savais, c'est que Serpollet, c'était des machines à vapeur. D'autre part, j'avais une autre ignorance. Je ne savais pas du tout comment on comptait le nombre de lignes imprimées par rapport aux lignes écrites. Et alors, je me demandais si je n'allais pas faire trop court. Je suis retourné chez un bureau de tabac, un petit bureau de tabac que je ne revois jamais sans attendrissement, qui était situé en bas de la rue de Saint-Quer, qui y est toujours d'ailleurs. Je me suis installé à une table et j'ai pondu, c'est le mot littéral, pendant quelque chose comme 2 ou 3 heures. Après quoi, j'ai porté le papier à Pierre Souvestre. Pierre Souvestre a regardé ce tas de copies en arrondissant les yeux. Il l'a lu. Comme il ne connaissait rien à l'automobile, il l'a trouvé admirable. Et il s'est dit, je suis tombé sur un technicien. Moi, j'avais une frousse épouvantable parce que je me disais, le directeur d'un journal technique, il doit s'y connaître. Nous nous regardions tous les deux avec méfiance. Alors, Pierre, ayant lu mon papier, m'a dit, ça se lit facilement, vous n'avez pas trop chargé de chiffres, et pour cause. J'ai une idée, on pourrait peut-être en faire un numéro spécial. Et je suis entré dans le journalisme technique automobile par une description du Darak Serpollet que je n'avais jamais vu et par un numéro spécial du journal Le Poids Lourd. Nous sommes devenus amis avec Souvestre parce que quelques jours plus tard, il fallait faire un second numéro du Poids Lourd. Je suis entré chez lui. Je n'étais pas appointé, mais Pierre m'avait fait entrer comme nègre, bien entendu, au journal Loto. Je faisais de vagues reportages sur l'automobile, car à ce moment-là, toujours, j'étais féru d'automobile, et j'en avais construit une de mes propres mains. Je m'intéressais beaucoup aux voitures d'occasion, et j'étais l'ami d'un certain Ripollin, qui tenait son nom de ce qui revendait des voitures d'occasion après les avoir peintes, et qui s'y connaissait tellement bien, qui me disait, « Crois-tu qu'on m'a joué un tour ? On a fichu des fils électriques dans un tuyau de caoutchouc, c'est pour ça que l'électricité ne peut plus passer. » C'était comme ça qu'il appréciait les câbles des voitures. Je lui remettais donc ses voitures au point et il m'en prêtait une de temps en temps le dimanche. Bien entendu, je n'avais pas de carte grise, je n'avais pas de permis, je n'avais rien de ce qu'il fallait, mais je roulais quand même. Donc, nous voilà avec Souvestre en face d'un nouveau numéro du Poids Lourd et moi, nègre, à l'auto. Un beau jour, Souvestre arrive dans le petit bureau que nous occupions et il me dit, « Desgrands, j'ai rudement ennuyé. Il y a Michelin, pour appeler les choses par leur nom, qui supprime sa publicité parce qu'il y a eu une légende malheureuse. On a mis pneu machin. L'histoire est authentique. Il est furieux, il ne sait pas avec quoi il va remplir. » Et alors, une idée me passe par la tête et je dis à Souvestre, si vous lui proposiez un feuilleton. Oh, il me dit, non, on ne voudra pas. Je dis, mais si, dites-lui que nous avons un feuilleton prêt. Mais il me dit, on ne l'a pas. Je dis, mais si, il y a le Roure. C'était un nom que j'ai inventé immédiatement. Souvestre, qui était un très gentil garçon et un peu naïf, très gosse, a été trouvé Desgranges, il m'a proposé le feuilleton. Desgranges lui a dit, mais est-ce que vous l'avez là? Alors, un peu embarrassé, Souvestre lui a dit, Alain va aller le chercher. Et en effet, j'ai été le chercher, toujours à un bureau de tabac, où j'ai composé un premier feuilleton, ne sachant pas du tout ce qui allait suivre. Ça commençait très bien. On citait le Rayater Rolpa, qui est, paraît-il, un livre des Indes, je ne l'ai jamais su, mais en tout cas ce jour-là, je l'ai dit, et on disait, au 6e jour de la lune, Rayat Cherrolpa créa le monde, après quoi arrivaient des aventures fantastiques. Et mon Dieu, ce feuilleton, le Roure, est sorti à l'auto. Il est sorti à l'auto, et je peux dire qu'en même temps, il est sorti au vélo, car le succès ayant été bon, le vélo nous avait demandé une contrepartie. Nous n'avions pas le droit de le faire naturellement puisque nous appartenions à la rédaction de l'Auto. Alors, sous un pseudonyme, nous avions fait un pastiche de notre roman. Le titre avait été facile à trouver, on l'avait appelé Le Four. Et ce qui était désespérant, c'est que tous les matins, à la conférence, Desgranges nous disait « Mais ils ont beaucoup plus de talent que vous, ceux qui font Le Four. C'est beaucoup mieux, c'est bien plus rigolo. » Desgranges n'a su beaucoup plus tard que le four et le rouvre avaient les mêmes auteurs. Fantômas, c'est toujours la même chose, est né d'une erreur. Je crois que toute ma vie est le fait d'une erreur et d'erreurs agréables. Nous avions lancé le rouvre à l'auto avec des notes qui passaient dans le journal et qui étaient vraiment assez amusantes. Nous disions, deux de nos collaborateurs sont sur la piste d'un scandale effroyable. Nous sommes décidés à faire toute la vérité. Nous publierons, quoi qu'il arrive, les découvertes qu'ils ont faites. Une seconde note passait et un jour après, on fait pression sur nos collaborateurs, mais ils ne se laisseront pas intimider. Nous accumulons les pièces, aujourd'hui, on saura la vérité. Ça a continué comme ça pendant 5 ou 6 jours, c'était un procédé de lancement. Et alors, un soir, brusquement, nous sommes appelés dans le bureau de Desgranges. Il y avait là un monsieur assis sur un fauteuil que nous ne connaissions pas, ni Souvestre ni moi. Ce monsieur semblait très énervé. Il se tourne vers nous, il dit « Écoutez, je connais très bien votre histoire, vous voulez faire un scandale, c'est du chantage, dites-moi ce que vous voulez et je ne veux pas une ligne de cette histoire-là. » Naturellement, Souvestre et moi, nous nous regardons absolument ahuris et nous disons « Monsieur, mais pardon, mais qui êtes-vous, monsieur ?» Et alors le type nous regarde encore plus ahuris que nous, il dit « Comment ? Vous ne me connaissez pas ? Buno Varilla !» Nous avions fait marcher Buno Varilla. Quand il a su qu'il s'agissait du lancement d'un feuilleton, je dois dire qu'il a été délicieux. Il était enthousiasmé, il riait comme il n'était pas possible. Et voilà que 8 jours plus tard, nous recevons, Souvestre et moi, une convocation de M. Fayard. Immédiatement, nous avons su après que c'était Buno Varilla qui très gentiment nous avait recommandé à Fayard en lui racontant l'aventure qui lui était arrivée. Je dois dire que le scandale dont il s'agissait, le scandale auquel pensait Buno Varilla, était tout à fait insignifiant, c'était courant à cette époque-là. Il y avait une course automobile qui était partie avec 13 engagés, et quand on était arrivé en parc fermé le soir, il y en avait 15. Ça arrivait régulièrement parce que les maisons d'automobile avaient des voitures de rechange pour que toutes les voitures finissent, donc pas d'importance. Recevant une convocation de Fayard, nous nous disons immédiatement, Souvestre et moi, « Ça y est !» Il va nous acheter l'édition en volume du Rouvre. Alors nous discutons les prix, nous faisons de beaux châteaux en Espagne, on lui demandera au moins 1000 francs. À cette époque-là, ça nous semblait beaucoup. Souvestre était plus âgé que moi, c'est lui qui est monté chez Fayard. Moi, je suis resté au coin de la rue du Saint-Gothard pour savoir plus vite si l'affaire allait être faite. Ça a duré assez longtemps. Souvestre est ressorti, il n'avait pas le visage joyeux. Et il m'a dit, je ne crois pas que ça soit un type sérieux. Il ne veut pas du Rouvre, il veut au moins 5 bouquins avec un même personnage qui aurait des aventures extraordinaires. C'est un type qui ne payera pas. Et ceci même établit ce que nous connaissions à ce moment-là des éditeurs, car la maison Fayard était vraiment la maison reine. Nous nous sommes donc dit, Souvestre et moi, pas la peine de s'occuper de ça. Nous nous sommes quittés navrés, regrettant notre billet de 1000 francs perdu, et nous nous sommes retrouvés le lendemain matin. Naturellement, nous avions chacun dans notre poche une idée de roman. Et mon Dieu, nous avons discuté, on a vu le plan ensemble, fondu les deux idées, et ma foi, ça a été le premier livre de Fantômas, dont naturellement nous n'avions pas le titre à ce moment-là. Ce titre, il fallait le trouver. Fayard avait lu le livre, l'avait trouvé très bien, nous demandait le suivant, et il nous disait, donnez-nous un titre, il faut un titre merveilleux, etc. En allant le voir, j'avais cherché un titre, une idée m'était venue. J'avais trouvé Fantômas. Souvestre avait trouvé que c'était pas mauvais, il avait écrit sur son carnet dans le métro, Fantômas. Quand Fayard lui a dit, avez-vous un titre, il lui a montré son carnet. Qu'est-ce que vous dites de ça? Fayard a lu, Fantômas. Ah, ça, c'était patent. Et c'est ainsi que, par erreur, Fantômas a été baptisé. Lorsque nous avons sorti Fantômas, Fayard nous payait chaque manuscrit 1500 francs. Cela représentait, je crois, 3 centimes par volume vendu. Lorsque les deux premiers volumes ont été dehors, nous étions Navre et Pierre et moi parce qu'on voyait partout chez les libraires des piles de Fantomas. Et nous nous disions, s'il y a des piles, c'est que ça ne se vend pas. On va être très mal reçu. En effet, nous nous présentons tous les deux cette fois à la caisse et nous pensions toucher le minimum, c'est-à-dire les 1500 francs. Le caissier nous regarde et nous dit non, pas d'accord. Faut voir Monsieur Fayard. Moi, ancien clerc d'avoué, immédiatement je regimbe. Mais il y a un contrat, nous avons un minimum, il n'y a rien à faire et j'arrive absolument furieux dans le bureau de Fayard qui me connaissait. Je crois bien que c'est la première fois qu'il m'a vu. Et je lui dis, Monsieur Artem Fayard, il y a votre signature, nous exigeons notre contrat et si vous n'y faites pas honneur, nous poursuivrons. Souvestre était tout à fait ahuri et atterré en disant comment ça va-t-il finir, il voulait transiger à 1000 francs. Et alors Fayard avait l'air de beaucoup s'amuser. Alors il dit, bon écoutez, nous allons faire une transaction, ça va peut-être s'arranger, je vais vous donner un chèque, mon caissier n'est pas très au courant. Il prend son chéquier, fait un chèque et il me le tend. Et dans mon émotion, je lis 2200. Et je lui dis 2200, j'avais donc des droits. Alors Fayard me dit, mais non. Alors je regarde mieux et je lis 22 000. J'étais complètement ahuri. Alors Fayard me dit, mais non, vous n'avez pas l'air très fort en mathématiques. J'étais nul d'ailleurs. C'était pas 22 000, c'était 220 000 francs. Je crois que lorsque nous sommes sortis de chez Fayard, Pierre et moi, nous pensions que Rothschild était un petit monsieur et que quant à Rockefeller, on pourrait lui faire un cadeau s'il en avait besoin. C'était 220 000 francs, de 1905, exactement, le premier volume de Fantomas. C'est bien simple, on avait tiré le premier volume à 800 000 exemplaires. On avait été obligé de faire tirer en province et d'acheter des imprimeries. Et ça continuait, ça continuait, ça continuait. L'aventure pour moi, c'est demain. Je crois que je serais navré, désespéré, si l'on me disait « demain, vous ferez cela ». Il me semble toujours possible qu'un câble peut arriver de New York, où j'ai été déjà 22 fois, ou du l'autre bout du monde, et qu'une nécessité urgente m'amènera à partir. Je crois toujours que demain me réserve le départ, la fuite. J'ai toujours besoin de m'évader de moi-même. Je crois qu'à partir du moment où je tiens la barre, où le moment où je tiens le volant en main, je ne suis plus le même homme. Mais chose très curieuse, comme j'ai beaucoup travaillé, puisque j'ai publié en somme 600 volumes, 596 exactement, je ne peux pas m'abstraire de mon travail. Seulement, il se fait alors dans mon subconscient. Et ce sont les incidents de la route ou la nature du voyage qui devient, sans que je le veuille, la trame du roman suivant. Chacun de mes romans est un rêve que je réalise. C'est une histoire que je me raconte à moi-même. L'inspiration, c'est un bien gros mot. Je ne crois pas que je sois un auteur inspiré. Je suis un auteur qui cherche à ne pas s'ennuyer lui-même. Alors, espérons que ce n'est pas symptomatique, quand je me rase le matin, je reste le rasoir écarté de la joue, et il m'arrive une bonne idée. Cette bonne idée, c'est un sujet de roman. Ça y est, le roman est fait. Je n'ai plus qu'à me mettre devant la machine ou devant mon dictaphone. Cela vient tout naturellement, surtout quand il y a une commande. C'est assez amusant. Et je fais le roman exactement comme on se débarrasse d'un pinsum, comme on sort de soi quelque chose qui vous gêne et qu'il faut jeter sur le papier. Je le fais aussi avec un grand plaisir quand je travaille. Je suis vraiment à mon affaire, car, et ça j'ai plaisir à le dire, j'ai une énorme, une infinie reconnaissance pour ce grand public populaire qui ne connaît pas les auteurs, qui ne sait pas leur nom et qui cependant leur est fidèle. Je crois que personne n'a été accueilli par le grand public avec autant de gentillesse, autant de bienveillance que moi. J'ai l'occasion de lui dire merci, je le fais avec plaisir. Je crois que le roman populaire, à l'heure actuelle, subit une terrible transformation. Le roman populaire est né, je vais peut-être faire hurler les puristes, le roman populaire est né pour moi de Balzac. De Balzac, il a descendu, si l'on veut, à Dumas. Les Trois Mousquetaires ne sont pas autre chose qu'un roman populaire. Puis est venu Leroux, qui, avec le mystère de sa chambre jaune, a créé réellement le roman policier. C'est lui l'initiateur. Et après, mon Dieu, nous avons pris notre modeste petite place, Pierre et moi, avec notre Fantômas. À partir de ce moment-là, nous avions retrouvé la vraie formule du roman populaire. Mais nous y étions aidés par ce très grand bonhomme qu'a été l'éditeur Artem Fayard, qui a osé, car c'était d'une audace invraisemblable, sortir des livres qui faisaient 350 pages, qui avaient 22 000 lignes de texte et qu'il vendait 7 sous le premier, 13 sous les suivants. Ayant affiché mon nom sur l'écran, 76 films, ce qui fait un joli total. Il y a d'abord eu les 11 films muets de Fantômas, les 11 premiers films. Ils ont été faits par Feuillade. Feuillade est un bonhomme infiniment plus grand qu'on ne veut bien le reconnaître. Il avait vraiment le sentiment de ce qu'était l'écran, de ce que pouvait dire l'image, de ce qu'on pouvait lui demander. C'était un homme froid, flegmatique, qui ne semblait pas avoir beaucoup d'imagination, mais c'était un visionnaire. Il traduisait les phrases avec la photo qui bougeait. Puis, après, j'ai vendu les droits de Fantômas à la Fox Company. La Fox Company, Hollywood, voyage nombreux à New York, une surprise ahurissante. On fait un scénario où il y a un monsieur qui s'appelle Fantômas, un autre monsieur le regarde et trouve qu'il est nécessaire de faire deux Fantômas, on le passe à un troisième monsieur qui est le superviseur, qui les transforme en femme, et enfin, quand on tourne le film, on a la surprise, c'est ce qui m'est arrivé, d'y voir des épisodes tirés de Gaston Leroux et de Zigomar. C'est la cuisine d'Hollywood. Fantômas a fait le dernier meurtre en m'assassinant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On connaît Fantômas, on ne connaît pas Marcel Alain. Leblanc disait en parlant de son héros Lupin, « Je ne suis plus que son ombre. » Moi, j'en prends mon mot, je ne suis plus que son fantôme. Fantômas vit, puis moi. D'ailleurs, il y a énormément de gens, c'est un peu triste, qui se figurent que je repose du dernier sommeil depuis longtemps. J'ai trop produit. Je vis en intimité continuelle avec Fantômas, avec Juve, avec Lady Beltham. Ce sont pour moi non plus des personnages de fiction, mais des gens qui existent. Couramment, si je cherche un objet que je ne trouve pas chez moi, je pousserai un juron sonore et je dirai encore un coup de Fantômas. Il me l'a chippé, ce salaud-là. Ça me vient tout naturellement. Si je vois une jolie femme, et quand j'en vois une, je la regarde toujours le plus possible, si elle est grande, mince, souple, immédiatement, c'est Lady Beltham. Le surnom me vient. Ce sont des gens que je connais. Évidemment, plus pour ma collection Fantômas que pour mes autres collections. Parce que Fantômas, on y revient toujours, on vient toujours me le redemander. Il va ressortir en ce moment. Je finis par moment à être tellement... C'est bête de dire ça, mais c'est la vérité. À être tellement empoigné par le chapitre que je fais, que je partage tour à tour les sentiments de mes personnages. Je suis Juve, je suis Fandor et je suis Fantômas. Quand Juve va arrêter Fantômas, je pense quel salaud. Mais quand Fantômas va faire un crime, je suis avec Juve et je dis on va en avoir fini bientôt, j'espère. Et je finis par croire qu'ils sont là derrière moi. Quand un meuble craque chez moi, quand il y a un phénomène bizarre, malgré moi, l'entité de Fantômas existe et je la crois existante. On se prend à son propre jeu. Il m'arrive encore très souvent de rêver et je crois bien que jusqu'au bout de ma vie, je serai le monsieur qui rêve. Il fait beau, il ne pleut plus, la nuit va être splendide, le plein du réservoir est fait. Si je fichais le camp, eh bien, ce n'est pas seulement l'envie de couvrir des kilomètres ou de regarder au compteur si l'aiguille dépasse les chiffres intéressants. Non, ce n'est pas cela. C'est parce que la nuit, sur les routes, on ne sait jamais ce que l'on trouve. Il y a comme cela des souvenirs d'imprévus, de personnages rencontrés au hasard, d'amitiés faites, de confidences obtenues, quelques-unes même très drôles. Eh bien, on ne peut pas séparer le rêve de la réalité. Je crois qu'un romancier qui ne rêverait pas ne serait pas un romancier. Qu'est-ce qu'est le livre ? C'est l'écriture d'un rêve inventé. Et si le romancier n'y croit pas, le roman est mauvais. Je crois que la vie est très bonne. J'aime l'existence pour le plaisir d'exister. Je me défends de toutes mes forces contre le sentiment de l'homme qui vieillit et qui trouve que dans son temps, tout était mieux qu'à présent. Ce n'est pas du tout mon sentiment. Je suis entouré de jeunesse car j'aime beaucoup les jeunes. J'ai auprès de moi deux jeunes filles, deux jeunes femmes, des petits-enfants. Ils n'ont évidemment pas la même conception de la vie que nous avions quand j'étais jeune, mais elle n'en est pas tellement éloignée. Nous, nous rêvions d'emmener la petite amie en voiture si l'on pouvait en avoir une. J'en ai eu beaucoup. Je les avais parce que je vendais les accessoires pour acheter de l'essence. C'était un moyen comme un autre. Maintenant, ce n'est plus ça. Ils font du camping. Ils sont, paraît-il, très sérieux. Je veux bien, mais je n'ai pas tellement la persuasion que la petite fleur bleue n'existe plus. Et j'en trouve une preuve qui m'est très agréable dans ce fait que tous les romans d'amour, tous les romans, même policiers, dans lesquels on fait passer une petite histoire romanesque, ce sont ceux-là qui réussissent le mieux. On n'empêchera pas que l'homme et la femme fraternisent, et l'on entend ce que je veux dire, on n'empêchera pas qu'ils s'aiment. Seulement, nous avons maintenant mêlé l'amour à l'aventure, et c'est peut-être le cadre le plus favorable pour qu'ils s'épanouissent. L'aventure, c'est ce qui nous pousse au-delà de nous-mêmes, c'est ce qui nous fait éclore. Est-ce que l'amour n'est pas aussi quelque chose qui a besoin d'un cadre particulier ? Et par conséquent, notre époque ne lui est-elle pas à sa façon très favorable ? Moi, je le crois. En tout cas, c'est bien certain, ce ne sera pas un rêve perdu. Le rêve de l'amour, le rêve de l'impossible, le rêve du demain frémissant, le rêve de ce qu'on a fait, mais surtout le rêve de ce qu'on voudrait faire et dont ce qu'on fera peut-être, c'est, je crois, la vraie recette du destin humain. C'est ce qui entraînera l'homme plus loin toujours et qu'il fera peut-être un jour meilleur qu'il n'est. Le bureau des rêves perdus. C'était une émission de Louis Mollion avec les rêves perdus de Marcel Alain. Assistant de production, Georges Arnal. Réalisation, Albert Riera. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 4 octobre 1956.